الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما فهمنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم واجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté et qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions soient sincères par recherche de son agrément. Donc la suite de ce que nous avons vu tout à l'heure, Ya'juj et Ma'juj, ils vieillissent. Ce sont des humains, mais ils vieillissent. C'est-à-dire qu'ils meurent âgés, ils ne meurent pas jeunes. Il n'y a pas l'un d'entre eux qui meurt jeune. Ils vivent assez longtemps. Allah Ta'ala sait combien d'années ils vivent. Le messager sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas dit quel est l'âge de chacun d'entre eux. Mais il a dit que l'un d'entre eux ne meurt pas avant d'avoir laissé 1000 de ses descendants, ou plus. Tout comme le messager alayhi salatu wassalam a cité. De sorte que avant qu'ils n'échappent à cet endroit où Dhulqarnayn les a emprisonnés, leur nombre devient très très grand. Tous les humains, par rapport à eux, sont comme une goutte d'eau devant la mer. Vous imaginez? Au point que, au jour du jugement, la totalité des humains, en dehors d'eux, par rapport à eux, est comme 1%. Et il a cité dans un hadith qu'ils sont 999 et les autres humains sont comme 1 pour 1000. Donc il y a deux versions. Derrière eux, il va y avoir des communautés qui sont elles aussi nombreuses. Une communauté qui s'appelle Mansak, une communauté qui s'appelle Tawil, et une autre qui s'appelle Taris. Donc eux aussi, c'est-à-dire que ce sont des communautés qui sont très nombreuses. Allah Ta'ala sait combien ils sont. Donc Ya'juj et Ma'juj, ce sont des humains, c'est-à-dire ils sont descendants de Adam, alayhi salam. Le messager, alayhi salatu wassalam, il a dit « Min waladi Adam », c'est-à-dire des descendants de Adam. Quant à ces autres communautés, Mansak, Tawil et Taris, le messager, alayhi salatu wassalam, les a mentionnés comme étant des communautés. Mais il n'a pas dit que ce sont des humains. Il n'a pas dit que ce sont des descendants de Adam. Donc c'est trois autres communautés. Allahu a'lam, Allah sait plus comment Ya'juj et Ma'juj vivent actuellement, qu'est-ce qu'ils mangent, puisqu'ils sont nombreux. Et ce que certains disent, qu'ils auraient de longues oreilles, qu'ils dorment sur l'une et qu'ils se couvrent avec l'autre, et qu'ils seraient de petite taille, cela n'est pas confirmé. Ce n'est pas authentifié. Des gens disent cela, mais ce n'est pas authentifié. D'accord ? À leur époque, il y aura une famine. Ils vont passer au niveau de la lagune de Tibériade, qui se trouve en Palestine actuellement. C'est une lagune où il y a des navires qui peuvent voguer, hein, beaucoup d'eau. Mais quand ils vont en passer, ils vont la boire. Quand le dernier d'entre eux va passer, il dit, avant il y avait de l'eau ici. Ils vont la sécher. Ce qui a été confirmé dans le hadith, c'est qu'ils vont boire toute l'eau de la lagune de Tibériade. Ils vont la sécher. Mais le fait qu'ils mangent ce qui est vert et ce qui n'est pas vert, cela n'a pas été confirmé dans le hadith. Ce n'est pas dans un hadith. Donc les musulmans ne vont pas oser les combattre. Les musulmans ne vont pas oser les combattre. Notre maître Isa, alayhi salam, en compagnie des croyants, vont aller à la montagne de At-Tur, qui se trouve au Sinaï. Donc, ils vont aller à la montagne de At-Tur. Ils vont invoquer Allah, ils vont supplier Allah par notre maître Isa contre Ya'juj et Ma'juj. Et ils vont tellement invoquer jusqu'à ce que Allah anéantisse Ya'juj et Ma'juj. Allah fait qu'il y ait des vers qui va rentrer dans le cou de chacun d'entre eux, comme les vers de terre. Donc ils vont rentrer dans le cou de chacun d'entre eux, et ce sera la cause de sa mort. C'est ainsi qu'ils vont mourir. Puis Allah envoie des oiseaux, des volatiles, qui vont prendre leur corps et les jeter en mer, et il fait descendre une pluie qui va nettoyer la terre de leurs traces. C'est-à-dire ils vont être anéantis sans qu'il n'y ait de guerre. Ils seront anéantis sans qu'il n'y ait de guerre. Et donc, eux, quand est-ce qu'ils vont apparaître? Bien après la descente de Isa alayhi salam. Vous voyez donc la chronologie. Donc, il y a notre maître al-Mahdi, son apparition, ce n'est pas un grand signe, c'est un petit signe. Ensuite, il y a Dajjal, ensuite il y a notre maître Isa, ensuite il y a Yajuj et Majuj. Donc Yajuj et Majuj font partie des humains qui sèment le plus de mal sur terre. Yajuj et Majuj font partie des humains qui sèment le plus de mal sur terre. Allah a fait qu'il y ait qui les emprisonne et évite aux autres humains leur mal, leur nuisance. C'était As-Sa'ab Zulqarnayn. Ils sont restés donc ainsi emprisonnés durant des milliers d'années. Des milliers d'années. Allah n'autorise, ne permet leur sortie qu'à la fin des temps et avant l'anéantissement de ce bas monde. Concernant la descente de Al-Masih, Isa alayhi salam, donc avant, c'est une descente qui est confirmée par des hadiths qui sont sûrs, les hadiths sahih. Abu Daoud a rapporté dans ses Sunan et Ahmad dans son Musnad, ainsi que Al-Bayhaqi et d'autres, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Laysa bayni wa baynahu nabi », ce qui signifie « Il n'y a pas entre lui et moi de prophète », entre Isa et Muhammad alayhi wa sallam. « Qala wa innahu nazilun fa idha ra'aytumuhu fa'arifuh » Le messager alayhi wa sallatu wa sallam, dans ce même hadith, donc on a dit, rapporté par Abu Daoud dans ses Sunan, par Ahmad dans son Musnad et par Al-Bayhaqi et d'autres, il a dit ce qui signifie « et il va descendre ». Donc le prophète, il a confirmé que Isa va redescendre sur terre. Donc il a été élevé, il n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié. Mais il a été élevé vivant. Il est au deuxième siècle. Donc il a dit « il va redescendre ». Lorsqu'il va redescendre, reconnaissez-le. Donc le prophète nous donne des signes physiques pour qu'on puisse le reconnaître. « Rajulun marbou'a », c'est-à-dire un homme de taille moyenne. Il a le humrati wal bayad, de couleur rouge, blanche, rouge. Bayna mumassiratayn ka'anna ra'sahu yaqtur wa an lam yusibhu balad. Donc, ses cheveux, ils semblent comme mouillés, alors qu'ils ne le sont pas. Oui, c'est le genre de cheveux qui semblent brillants et qui semblent comme humides, alors qu'ils ne sont pas touchés par de l'eau. Fayuqatilu an-nasa 'ala al-islam. فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويهلك الله في زمانه الملل كلها الا الاسلام. À son époque, il va diffuser l'islam, il va détruire la croix, il va tuer les pauvres et il va à son époque toutes les communautés autres que l'islam vont seront anéanties. Après que Isa alayhi salam va descendre, même Ya'juj et Ma'juj après cela vont être anéantis. Et tous les humains vont être musulmans. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas musulmans, ils vont mourir. وَيُهْلِكُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ Et il va tuer الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ, le faux messie. فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يُتَوَفَّى فَيُصَلِّ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ Il va rester, après sa descente, 40 ans sur terre. Puis il va mourir et les musulmans vont faire la prière funéraire en sa faveur. Donc il n'est descendu sur terre depuis qu'il a été élevé, il n'est descendu que la nuit du voyage nocturne de notre prophète, alayhi salatu wassalam, puisque tous les prophètes ont accueilli notre prophète à Jérusalem, à Beit al-Maqdis. Donc il n'est redescendu sur terre que cette nuit-là, parce que comme tous les autres prophètes, il avait accueilli notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Beit al-Maqdis. Puis il a été à nouveau élevé au ciel, et il a accueilli à nouveau le prophète lorsqu'il a été élevé dans les cieux, suite au voyage nocturne dans le Mi'raj, l'ascension, quand le prophète a été élevé dans les cieux, il a accueilli le prophète au deuxième ciel. Vous savez que dans le Mi'raj, l'ascension, le prophète a été élevé dans les cieux, il a rencontré dans chaque ciel un prophète, hormis le deuxième ciel, il a rencontré deux prophètes, qui sont Isa et Yahya, qui sont cousins. Leur mère était des sœurs. Et notre prophète, lorsqu'il a été élevé dans les cieux, la finalité de son ascension n'est pas qu'il arrive à un endroit où Allah il habite, parce que Allah il est sans endroit. Allah il n'habite pas le ciel. Allah il n'est pas au-dessus du trône. Allah, il est sans endroit. On ne dit pas qu'il est partout. On ne dit pas, on ne sait pas où est-ce qu'il est. On dit, on sait, il est sans endroit. Il n'a pas d'endroit. Il n'a pas besoin de ses créatures. Les endroits font partie des créatures. Parmi les choses étonnantes qui se produisent à ce moment-là également, après la descente de Isa, c'est que Allah fait parler les pierres et les arbres. Les rochers et les arbres parlent et vont dénoncer les mécréants qui se cachent derrière eux. Ils vont dire, ô musulmans, tiens, voilà un mécréant des fils d'Israël qui est derrière moi, et il le dénonce. Excepté une catégorie de plantes qui ne va pas les dénoncer, qu'on appelle al-gharqad. Al-gharqad ne va pas dénoncer. Par ailleurs, al-Masih, alayhi salam, il va descendre du ciel. Il a l'aspect de quelqu'un qui a 33 ans. Donc quand il va descendre, il a l'aspect de quelqu'un qui a 33 ans. Mais en réalité, il n'a pas 33 ans, parce qu'il a vécu plus de 2000 ans. Mais il va mourir après sa redescente sur terre. Donc il va descendre avec ses deux mains posées sur les ailes de deux anges. D'accord ? Alors que même s'il n'avait pas posé les mains sur les ailes de deux anges, Allah Ta'ala lui donne la puissance de descendre sur terre sans nuisance. Allah est le créateur de toutes choses. Si Dieu veut qu'il descende sans qu'il ne soit accompagné de deux anges, il serait descendu. Mais par honneur pour lui, il fait descendre en posant ses deux mains sur les ailes de deux anges. Et le prophète nous a indiqué où il va descendre. Il va descendre près d'une tour blanche à l'est de Damas. Damas, la ville qui se trouve dans l'actuelle Syrie. La Syrie qui fait partie du pays qu'on appelle Hacham. Hacham, c'est la région qui englobe la Syrie, la Jordanie, la Palestine et le Liban. Tout ça s'appelle Hacham. Donc il va descendre près d'une tour blanche à l'est de la ville de Damas. C'est ainsi que le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a cité. Puis il va se diriger vers la Palestine. Le prophète, quand il a dit près de la tour blanche à l'est de Damas, à cette époque-là, il n'y avait pas de tour blanche. Donc ça aussi, c'est un signe de prophétie de notre maître Mohammed alayhi sallatu wassalam. Maintenant, elle existe, tout comme le messager de Allah l'a décrite. La tour blanche, c'est comme le pilier qui est utilisé pour les projecteurs, pour le nouvel aéroport qui a été fait pour Damas. Donc le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que c'est à l'est de Damas. Nous ne pouvons pas dire que c'est ce village-là, ce village-là, ce village-là. C'est à l'est de Damas. Nous nous limitons à ce que le prophète, alayhi sallatu wa sallam, a dit. Par ailleurs, Al-Masih, quand il va redescendre Isa, il va rencontrer Al-Mahdi dans le pays de Hacham. Quand il va descendre, Al-Mahdi sera au même endroit où il va descendre. Et Hacham, ce n'est pas uniquement la Syrie, mais c'est le Liban, la Jordanie, la Palestine, tout ça s'appelle le Sham. Et Sham, il est limité de Al-Arish, du côté de l'Égypte, jusqu'à Bales, du côté de la Turquie. Donc de Al-Arish jusqu'à Bales. Tout ça s'appelle Sham. La parole du prophète, alayhi salatu wassalam, « ثُمَّ يُتَوَفَّى فَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ » C'est-à-dire qu'il va mourir et les musulmans vont faire la prière funéraire en sa faveur. Qu'est-ce que nous déduisons de cette parole du prophète ? Nous déduisons de cette parole du prophète que notre maître Isa n'est pas déjà mort. Puisqu'il a dit, il dit, il va mourir. Ça veut dire qu'il n'est pas déjà mort. Mais il a été élevé vivant jusqu'au ciel et à l'état d'éveil. Celui qui dit qu'il est mort sans être tué ni crucifié, on dit qu'il s'est trompé. Le messager, alayhi salatu wassalam, a décrit la couleur de la peau de notre maître Isa, alayhi salam. Dans une version rapportée par Al-Bukhari, le prophète a dit il est Adam. Adam, ça veut dire, comme on dit à notre époque, bronzé. D'accord ? Adam, c'est comme on dit à notre époque, bronzé. Et dans une autre version, il a dit Ahmar, c'est-à-dire rougeâtre. Donc le sens de différentes versions est qu'il n'est pas d'un blanc éclatant. Ce n'est pas le blanc comme scandinave, par exemple, blanc éclatant. Ce n'est pas ça. Mais il est légèrement brun, comme on dit, bon, un peu bronzé, avec un peu de rougeur et de blancheur. Léger. comme quelqu'un qui est de couleur blanche qui a eu un coup de soleil. Donc ce qui est parvenu dans Al-Bukhari, qu'il est Asmar, mais dans Abu Daoud, il est parvenu qu'il est Al-Humrah et Al-Bayyad. Donc tout ça, pour concilier entre ces deux différentes versions, c'est ça le sens, c'est-à-dire de couleur, bronzée à notre époque. Le récit de Isa alayhi salam est différent du récit des autres prophètes et des autres messagers, parce que il a été élevé vivant au ciel, il va descendre à la fin des temps, et tout cela n'est pas absurde. C'est Allah Ta'ala qui crée toutes choses selon une sagesse qui a fait cela. Pour éprouver les gens, est-ce que ils vont comprendre que c'est quelque chose d'extraordinaire et qu'ils vont suivre et croire en cela, ou est-ce qu'ils vont attribuer des associés à Dieu et oublier leur créateur? Ou est-ce qu'ils vont croire en Isa, qu'il est un prophète et un messager parmi les humains, ce qui leur augmente en certitude et en foi en leur Dieu, que Allah est sur toute chose tout puissant. Concernant la parole de Allah, « Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina taba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawm al-qiyamah » dans sourate Ali Imran, le verset 55. Donc, dans ce verset, le mot mutawaffika est venu avant rafi'uka ilay. Mutawaffika, c'est-à-dire te faire mourir. Et rafi'uka, c'est-à-dire élever. Dans l'ordre du verset, c'est le mot mutawaffika qui est venu avant rafi'uka. Mais dans le sens, c'est l'ordre inverse. Ça veut dire que mutawaffika, te faire mourir, est chronologiquement ultérieur à Rafi'uka. Rafi'uka est antérieur. Donc, ça veut dire je t'élève et ensuite je te fais mourir. C'est-à-dire que Rafi'uka ilay, qu'est-ce que ça veut dire ilay? Ilay ici, ila mahalli karamati. Je t'élève au lieu que j'honore. C'est-à-dire l'endroit qui est honoré par Allah. Quel est donc ce lieu qui est honoré par Allah? C'est le ciel. Le ciel est un lieu qui est honoré. Pourquoi est-ce que le ciel est honoré? Parce que le ciel, c'est le lieu où sont les anges. Et qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les anges? Ils sont tous des saints. Ils sont tous des pieux, vertueux. Ils ne désobéissent pas à Dieu. Il n'y a pas de péché qui est commis au ciel. Les anges ne commettent pas de péché. Les anges, ce ne sont pas des hommes, ce ne sont pas des femmes. Mais ils peuvent prendre l'apparence d'hommes, pas de femmes, mais sans l'organe génital. Il peut prendre d'autres apparences. Il peut prendre l'apparence d'un oiseau, d'un chameau. D'accord? Mais il peut prendre l'apparence d'un homme sans l'organe génital. Comme le hadith qu'on a cité tout à l'heure à propos de notre maître Jibril, alayhi salam. Mais sous leur véritable apparence, ils ont des ailes. Et ils sont très puissants, les anges. Ils sont très très forts. Jibril, avec une plume, il a soulevé toute une montagne du pays de Hacham, il l'a emmené dans le Hijaz. Elle s'appelle At-Ta'if. C'est une ville qui se trouve actuellement au Hijaz, qui s'appelle At-Ta'if. C'est une ville qui est un lieu de villégiature des gens de la Mecque. En été, quand il fait très chaud, ils vont à At-Ta'if. Et dans At-Ta'if, on trouve des catégories de fruits, comme les fruits qu'on trouve au pays de Hacham. De très belles grappes de raisin, de très très beaux fruits. Et l'air, il est magnifique là-bas. Donc avec une plume, il a soulevé toute une montagne. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, c'est-à-dire je te purifie et je te délivre de ceux qui ont mécru, c'est-à-dire des mécréants des fils d'Israël qui eux voulaient le tuer comme ils ont tué beaucoup de prophètes. Ils ont tué beaucoup de prophètes. Et ils voulaient absolument tuer notre maître Isa alayhi salam. وَمُتَوَفِّيكَ, c'est-à-dire après te faire descendre sur terre, je te fais mourir. Allah lui a fait savoir par révélation, Allah a révélé à notre maître Isa alayhi salam qu'il le fera mourir après l'avoir élevé au ciel puis redescendu sur terre. Dans le temps dans lequel veut qu'il meure. Dans le temps dans lequel Dieu veut qu'il meure. Parce que tout est par la volonté de Allah. Il le délivre des mécréants avant qu'il ne soit entré dans la maison où il se trouvait en compagnie de ses apôtres, de ses compagnons. C'est ça la vie qui est correcte, qui est conforme aux différents hadiths. Et ça, c'est une forme d'éloquence dans la langue arabe et dans le Coran, de faire, de citer quelque chose avant une autre, alors que chronologiquement, c'est le sens inverse. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayhi. Sous-entendu, inni rafi'uka ilayhi, je t'élève au lieu que j'honore. Summa mutawaffika, après cela, je te fais mourir après t'avoir fait descendre sur terre. Et c'est ainsi que Abdullah ibn Abbas, tarjuman du Coran, le cousin du prophète, qui est l'exégète par excellence du Coran, c'est ainsi qu'il a expliqué ce verset. C'est-à-dire ce qu'on appelle en arabe al-muqaddam wa al-mu'akhar. C'est-à-dire ce qui est cité dans un ordre inverse à l'ordre chronologique. Tout comme il y a un autre verset où on a la même construction, le même style. Walladhi akhraja al-mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. Dans Surat al-A'la. Al-ghusa, c'est ce qui est dur et cassant. C'est ce qu'on appelle une plante qui est morte. Al-ahwa, c'est au contraire la plante qui est verdoyante, qui est encore vivante. La vie des plantes, c'est leur croissance. Elles n'ont pas d'âme, les plantes. Donc, walladhi akhraj al-mar'a, celui qui a fait pousser les plantes, faja'alahu ghusaan ahwa, il en a fait ce qui est cassant et sec, et ce qui est vert et humide. Donc là aussi, il y a inversion par rapport à l'ordre chronologique. Parce qu'habituellement, la plante, elle est verte avant de devenir sèche. Tout comme, également, dans la parole de Allah à propos de Sarah. فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا. Sarah, quand Ibrahim a demandé à avoir un fils, il avait plus que 90 ans, et elle aussi avait plus que 90 ans. Et l'annonce, فَبَشَّرْنَاهَا, c'est-à-dire, on lui a annoncé la bonne nouvelle. فَضَحِكَتْ, elle a souri. Donc, généralement, elle sourit après avoir reçu la bonne nouvelle. Mais dans la construction, c'est elle a souri et on lui a annoncé la bonne nouvelle. Vous voyez, là encore, c'est une inversion. C'est un style dans la langue arabe. فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا. Une autre explication possible à propos de notre maître Isa, c'est d'expliquer mutawafika, c'est-à-dire je vais te retirer de la terre alors que tu es encore vivant, et non pas je te fais mourir. Warafi'uka ilayhi, c'est-à-dire je t'élève au lieu que j'honore qui est le ciel. C'est le deuxième ciel en l'occurrence ici. Les deux explications sont valables. On peut expliquer comme on a vu tout à l'heure, on peut retenir cette deuxième explication. Qu'est-ce qui n'est pas permis de retenir comme explication? Il n'est pas permis de retenir que Isa est mort avant d'être élevé au ciel et avant sa redescente sur terre. Parce que ceci devient en opposition avec le hadith de Abu Daoud précédemment cité. Alors il y a un groupe qui s'appelle les Qadianiyah. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'eux. C'est un groupe qui se trouve en Inde. Ils suivent un homme qui s'appelle Ghulam Ahmad al-Qadiani, relativement à un village en Inde qui s'appelle Qadian. Lui, il a prétendu que Isa, alayhi salam, il est mort et qu'il a été crucifié. Et ça, c'est un mensonge et c'est une mécréance. Pourquoi c'est une mécréance? Parce que c'est en contradiction avec le Coran. Et toute parole qui contredit le Coran est une mécréance. Parce que c'est une parole qui revient à dire que Dieu ment. Et dire que Dieu ment, c'est une insulte envers Dieu. C'est une accusation d'un défaut. Et celui qui accuse Dieu d'un défaut, il n'est pas musulman. D'accord? Donc, Al-Qadiyaniya, donc ce groupe, prétend que Isa alayhi salam serait mort et qu'il a été crucifié. Ils disent que Isa, qui est promis, qui est attendu, qui va redescendre, ce n'est pas le fils de Maryam, mais c'est leur chef, qui s'appelle Ghulam Ahmad. D'accord? Et Ghulam Ahmad, c'est un imposteur, c'est un charlatan lui aussi. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il était prophète. Il a dit qu'il était le Messie attendu. Et pour tromper les gens, il a dit, mais je suis un prophète à l'ombre de la prophétie de Mohammed. Regardez, hein, les gens pour mentir, qu'est-ce qu'ils imaginent comme... Il dit, je suis prophète à l'ombre de la prophétie de Mohammed. Alors qu'il a menti au sujet de Allah, il a menti au sujet du messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit à propos de notre maître Mohammed, وَخَاتَمَنْ نَبِيِّينَ dans sourate Al-Ahzab, verset 40, c'est-à-dire le dernier des prophètes. Il n'est pas permis d'expliquer وَخَاتَمَنْ نَبِيِّينَ par الخاتم, la parure, le bijou, ce qui embellit. Tout comme les Qadaniyya le disent. Eux, ils disent cela, justement. Ils disent que ce verset, ça veut dire que Muhammad, c'est comme un joyau par rapport aux autres prophètes. C'est ça, ce que eux, ils veulent dire. Il veut dire que ce verset ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prophète qui va venir après Muhammad, parce qu'eux, ils croient que Ghulam Ahmad, c'est un prophète et un messager. Et parfois, pour tromper les gens, pour les duper, ils disent « Mais la prophétie de Ghulam Ahmad, c'est une prophétie à l'ombre de la prophétie de Muhammad. » Et parfois, ils disent « C'est une prophétie de renouvellement de la prophétie de Muhammad. » Là, ce verset, il n'est pas valable de l'expliquer par le mot « zina » ou « joyau » ou « parure » ou « embellissement » tout comme ils l'ont prétendu à propos du verset « wa khataman nabiyyin ». On ne peut l'expliquer que par le dernier des prophètes. Puisque il ne va pas y avoir de prophète qui va venir après notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui n'ait pas reçu sa mission de prophète auparavant. Il ne va pas y avoir de nouveaux prophètes après notre maître Muhammad alayhi salatu wa sallam qui n'ait pas reçu sa mission de prophète auparavant. Nous leur disons wa khataman nabiyyin a été récité de deux manières. Vous savez que le prophète alayhi salatu wa sallam, il a transmis plusieurs manières de réciter le Coran. Parfois c'est plusieurs manières, parfois une lettre c'est une prononcée d'une certaine manière ou d'une autre manière, parfois une voyelle au lieu d'une autre. C'est ça les différentes récitations. Donc, il a été récité wa khataman nabiyyin avec ta, il a été récité avec wa khatiman nabiyyin avec un ti. Deux récitations. Donc, selon la récitation de Al-Fatha, wa khataman nabiyyin, le sens, c'est le même que avec la kasra, wa khatiman nabiyyin. C'est le même sens. En arabe, on peut dire khatam et khatim, dans le sens de dernier. Il n'y a pas de différence. Donc ils ne peuvent pas jouer et dire non, ça veut dire le joyau, celui qui est comme un bijou par rapport aux autres. Quand ils disent que c'est une parure, c'est un embellissement du prophète Mohammed, il embellit les prophètes tout comme une bague serait un embellissement, un khatam. Nous leur disons, ce n'est pas cette phrase de votre part, ce n'est pas un honneur pour notre maître Mohammed, alayhi salatu wa salam. Au contraire, vous êtes en train de le rabaisser. Est-ce que la personne est meilleure ou bien la bague qu'elle porte? Si quelqu'un porte une bague, qui est meilleur? C'est la bague ou bien celui qui porte la bague? C'est la personne. N'est-ce pas? Donc quand eux, ils ont prétendu que notre prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, est comme une bague par rapport aux autres prophètes, dans le sens de ce qui embellit comme un bijou, ils ont considéré que notre maître Mohammed serait inférieur aux autres prophètes. Et ceci n'est pas une reconnaissance d'un mérite pour notre maître Mohammed alayhi salatu wassalam. Au contraire, ça revient à attribuer le mérite aux autres prophètes. Parce que la bague que porte une personne n'est pas du même degré que la personne qui la porte. Donc cette explication de leur part, elle est médiocre. C'est une explication qui est médiocre et qui est mauvaise, qui est fausse. Le Coran, on n'explique pas par des explications médiocres, avec des sens stupides. Celui qui explique le Coran en donnant des sens stupides, il dément le Coran. Leur parole que Mohammed serait une parure, un joyau pour les prophètes, tout comme une bague embellit la main de celui qui la porte, ça ne comporte pas d'éloge à propos de notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette description, c'est Allah qui l'a révélée dans le Coran pour glorifier notre maître Mohammed alayhi salatu wassalam, et non pas pour le contraire. Par ailleurs, le hadith prophétique authentique rapporté par Muslim et d'autres annule cette prétendue explication des Qadianiyya. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Wa khutima biyan nabiyoun »« Wa khutima biyan nabiyoun » Ceci augmente et insiste sur le sens de « Wa khataman nabiyyin » en clarté. puisque wa khutima bi an-nabiyyun, c'est-à-dire que j'ai été le dernier de tous les prophètes. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prophète après lui. Ainsi, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa khutima bi an-nabiyyun, c'est-à-dire que Allah a fait de moi le dernier des prophètes. Et il n'est pas valide dans la langue d'expliquer wa khutima bi an-nabiyyun par Allah a fait de moi un khatam pour les prophètes, une bague. C'est ainsi qu'on leur réplique. Parfois, ils disent le sens de la parole du prophète, la nabiyya ba'di, il n'y a pas de prophète après moi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prophète après moi durant ma vie. Je veux dire par là, il n'y a pas de prophète en même temps que moi. Et que cette phrase n'exclurait pas la venue d'un prophète qui va venir après lui comme Ghulam Ahmad. C'est ainsi qu'ils prétendent. Et ça aussi, c'est contraire à la langue. C'est contraire à la langue. C'est une explication qui est erronée et qui est rejetée par les preuves que nous avons citées précédemment. Donc c'est Qadianiyya, pour tromper les gens, ils disent c'est une prophétie qui est à l'ombre de la prophétie du prophète Muhammad et n'est pas indépendante. Ils disent que c'est un prophète qui se réclame du prophète Muhammad. Ce n'est pas une prophétie indépendante. Ils disent que la prophétie indépendante s'est interrompue, mais la prophétie qui est à l'ombre d'une autre, elle persiste encore. Tout cela, c'est de la mécréance. Il n'est pas permis, il n'est pas possible que quelqu'un reçoive un statut de prophète après notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit de manière indépendante, ni par renouvellement de la prophétie de Mohammed alayhi salatu wa sallam. Et le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « انقطعت النبوة انقطعت الرسالة والنبوة فلا نبي بعدي ولا رسول وبقيت المبشرات » Ce qui signifie « Il n'y a plus de message ni de prophétie, il n'y a pas de prophète après moi, ni de messager, mais il restera les annonces de bonnes nouvelles. » Il restera les annonces de bonnes nouvelles. Les compagnons ont alors demandé quelles sont donc ces annonces de bonnes nouvelles au messager de Allah. Il a dit ce sont les beaux rêves. Les beaux rêves. Ru'ya as-saliha, rapporté par Al-Bukhari. Et Ibn Abi Hatim, tout comme Al-Nasa'i, ont rapporté de Ibn Abbas qu'il a dit Isa était avec 12 de ses compagnons. Il était dans une maison avec 12 de ses compagnons. Il leur a dit. Donc il aura appris quelque chose que Allah lui a annoncé par révélation. Il lui a dit, il y a parmi vous ceux qui vont mécroire en moi après avoir été croyants. Il leur a annoncé qu'il y aura des apostats. Puis il leur a dit, qui d'entre vous voudra avoir mes traits, me ressembler, et va être tué à ma place, et sa récompense sera qu'il soit au paradis, qu'il sera mon compagnon au paradis. C'est alors que le plus jeune d'entre eux tous, s'est proposé. Il était parmi les croyants, les bons. Il a dit, moi. Notre maître Isa lui a dit, assieds-toi. Et il a à nouveau demandé qui voudrait recevoir mes traits, me ressembler, être tué à ma place, et sa récompense est qu'il sera mon compagnon au paradis. C'est à nouveau ce jeune homme qui s'est proposé. Il lui a à nouveau dit, assieds-toi. Il a fait la réclamation une troisième fois, et la troisième fois, lorsque le jeune homme s'est proposé, il lui a dit, ce sera toi. Il a reçu les traits, l'apparence physique de notre maître Isa, alayhis-salam. Puis les mécréants de fils d'Israël qui voulaient chercher Isa pour le tuer sont rentrés. Ils ont pris ce jeune homme, il a été crucifié, alors que Isa, alayhis-salam, a été élevé par une ouverture, une fenêtre, une rosace dans le plafond de la maison. Par cette ouverture, il a été élevé au ciel. Donc ils ont pris le jeune homme, les mécréants de fils d'Israël, ils l'ont tué. Ils croyaient que c'était lui, Isa alayhi salam. Et ça, ce récit a une chaîne de transmission authentique, sahih. Rauzana, c'est une sorte de fenêtre qui ouvre sur le toit. On monte par cette fenêtre. Généralement, on la met dans un coin de la maison. Au départ, avant, les gens mettaient des fenêtres sur le plafond. Donc, il est sorti par cette fenêtre-là. Il était élevé au ciel, il était éveillé avec son âme et son corps, alors qu'il avait enduré beaucoup, beaucoup de nuisances de la part des mécréants. Quant à ce que certains prétendent qu'un juif serait venu avec d'autres juifs pour leur indiquer où se trouvait Isa, et qu'il lui avait promis tel montant d'argent, et que lorsque ils sont rentrés, c'était ce juif-là qui s'est mis à ressembler à Isa alayhi salam, et qu'ils ont pensé que c'était lui qui l'ont pris d'en tuer, cela n'est pas confirmé. Mais ça reste quelque chose qui est reprise par beaucoup d'historiens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est ce qu'a rapporté Abdullah ibn Abbas, qu'Allah a agréé lui et son père. Allah Ta'ala dit وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍ مِّنْهِ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Dans Sourate Al-Nisa, les versets 157 et 158. Voilà le résumé de ce qui est arrivé à notre maître Isa alayhi salam. Allah lui a promis qu'il va revenir sur terre à la fin des temps, et il a fait que sa redescente sur terre est un des grands signes annonciateurs du jour du jugement qui annonce justement l'anéantissement de ce monde et sa fin, puisque Allah Ta'ala dit وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهِ. Sourate Az-Zukhruf, le verset 61. L'imam Al-Qurtubi, pour Allah lui fasse miséricorde, pour expliquer ce verset, a dit, c'est-à-dire que la descente de Isa alayhi salam avant le jour du jugement est un signe de l'imminence du jour du jugement. La descente de Isa avant le jour du jugement est un signe de l'imminence du jour du jugement. Et cela est indiqué par l'autre récitation, وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَ. Il y a deux manières de le réciter, وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَ وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَ. Et donc là aussi, ça veut dire que la descente de Isa alayhi salam est un signe annonciateur du jour du jugement. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Barakallahu fikum. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم.